sa peine, ça vient. Chanson africaine. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, guerrier. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, guerrier. J'implore, exauce la prière de mon cœur, soutiens mon cœur brisé par la souffrance. La cadence, je chante et ma chanson plaintive s'exhale de ma pauvre âme captive. Connaissez la paix depuis ce jour. Les réserves sont dressées. Oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Sur les arbres autour du village, ils se sont perchés, attendant le matin. Ils ont surpris toute la cité et ravagé tout sur leur passage. Ils ont su tromper la vigilance des braves gars qui veillaient sur le village. Le ciel d'Afrique était si serein. Les armes sont dressées, oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Cherche encore ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils avaient de plus cher au monde a disparu avec les vautours. Et tous les soirs autour du feu de bois, le son des tam-tams s'élève dans le ciel. On recherche encore l'introuvable trésor que les vautours ont emporté. Le ciel d'Afrique était si serein, le sol d'Afrique connaissait la paix. Depuis ce jour, les armes sont dressées, oui, depuis ce jour, les hommes se sont battus. Prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. خسروح كان هني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش أصلو مورد تمسلتيش كل سد لي كونفيرانس. Place de les conférences pour étudier tous les sens. C'est vraiment bien dommage le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. الخدمة يوارن ذي مقريت تقابلن يرناس السوم رخيصن وقع Parnasse, il y a de la chance. Au Parnasse, il y a de la chance, mais ça de la résidence. Conversation, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence. يا جي نصبر في دمور تعزيز نمل أمر ما يلي لزم نسافر أغزر لدي في راس أغزر لدي في راس ما يلولش لا ريزيدانس Travail comme il est dur, c'est pour les migrés bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نروح دا نخذ نمشي طوح في قان عزيزنا مروح ما يلي لزم غنروح الفوسي بير لي كونسيكونس الفوسي بير لي كونسيكونس يورا بلي دو ريمينونس Fradi bien, de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. سنجت روح ظل يطيش ديم كل ثامر تسفجيش ربي ذحنن يتفرج يضمنا غنعيش دافانس Jusqu'à la fin d'existence C'est avec une grande joie que je vais rentrer chez moi C'est normal chacun chez soi Souvenir de notre enfance Souvenir de notre enfance Avec toutes ses références La terre est ronde, le soleil est pour tout le monde Il brille à travers les hommes Grâce à la providence Grâce à la providence Qui domine toutes les puissances Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Si je dois vous dire adieu Sachez bien que mes aïeux Ont combattu pour la France Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Eh oui, ben ça a commencé comme ça, les échangeurs d'air, avec en sens de fond sonore flottant. Petit précis d'instruction civique, c'était Red Noise avec leur seul album Sarcelle Locher de 1971. Un groupe avec entre autres Patrick Vian, le fils de Boris, Jean-Claude Sancy, Daniel Geoffroy, Serge Catalano. Un album, un seul album, de 68 à 72. Donc ils ont pas, il n'y avait pas la pression de produire, semble-t-il. Brigitte Fontaine, Comme à la radio, de 1969, la pièce Comme à la radio, de l'album Comme à la radio. Brigitte qui continue, toujours, à 79 ans. Elle ne semblait pas prête de s'arrêter comme ça. Quand on mène une vie sage, on peut vivre longtemps. Eugène Monin nous faisait pitié sur Madinina. Pitié, entre parenthèses, Madidina, 1970, sur une compilation qui s'appelle Par les damnés de la terre, des voix de lutte 69 à 88. Eugène Monin, qui est né fort de France en Martinique, puis qui a été vraiment un des grands de la musique antillaise. Puis il a amené aussi des trucs, des sonorités indiennes aussi dans sa musique, aussi bien que son héritage africain et européen. Comment il l'appelait? Le Nègre debout ou Potomitan aussi. Il était flûtiste, puis lui-même se réclamait d'être un artiste créole. Voilà. Ensuite, les Vautours, c'était Abdoulaye Cissé. Ça vient du Burkina Faso en 78. Toujours sur la compilation « Par les damnés de la terre ». Lui a quand même été une carrière qui s'est passée quand même assez proche du pouvoir à un certain moment. Lorsque les militaires ont pris le contrôle, il a été nommé chef des orchestres, et non pas chef des armées, chef des orchestres. Et c'est devenu une voix extrêmement connue du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, nous avons terminé avec Slimane Azem et Cheikh Nouridine, qui nous faisaient la carte de résidence El Jazer de 79 sur la même compilation Par les damnés de la terre. On aurait un résumé de l'histoire avec Slimane Azem, qui est né en 1918, et qui est mort en 83. Il est né en Algérie, il est mort en France. Il a travaillé en France dans le métro. Il a été déporté par les Allemands. Il a vécu assez durement l'indépendance parce qu'il était banni par le système. Une vie plutôt bien remplie pour Monsieur Azem, comme ça. Et lui aussi, quand même, une figure très populaire pendant un certain temps. Puis, les Kabyles ont aimé cet homme beaucoup parce qu'il représentait les Kabyles étaient pas, on les entendait pas partout à cette époque, et lui a réussi quand même à mettre les Kabyles sur la carte comme ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? Oh, du Yellow pour commencer le prochain bloc. Allons-y. Thank you. Thank you. alors on en était à notre bloc planin. Oui, voilà, c'est rare qu'on ait des blocs planants comme ça. Commencer avec Yellow sur l'album Claro Que Si de 1981. Oui, la pièce Homer Osa. Yellow qui... en fait, une de leurs pièces qui a vraiment été tellement populaire à une certaine époque, et c'est comme ça qu'on les a connus, que je les ai connus moi aussi. Duo suisse formé de Dieter Meyer et Boris Blank. Puis au début, il y avait Carlos Perón qui était avec eux. Puis leurs pièces ont été reprises vraiment souvent, surtout au Yé. C'est ça qui est dans la folle journée de Ferris Bueller, Touche pas à ma fille, Chien de flic, le secret de mon succès, American Pie. Etc. Les experts Manhattan aussi, et toutes sortes de choses. Puis ils sont encore actifs, semble-t-il, même si on n'en entend pas parler très très régulièrement. Qu'est-ce qu'on a eu après Blair Greenberg qui nous faisait Beach. C'est une compilation qui s'appelle Ambient and Experimental Music from Australia and New Zealand, des trucs faits entre 1980 et 95. Blair Greenberg, on trouve pas une tonne de trucs sur lui non plus. C'est un peu moins pire que celui qui suivait, Sam Mallett. Mais on sait qu'il est compositeur, qu'il est musicien, qu'il est designer de son, qu'il est directeur musical, qu'il acteur, qui est performeur, puis arrangeur, puis qui chante aussi. Alors, puis qui est australien. Voilà, c'est pas mal ce qu'on peut dire sur lui. Qui est assez drôle, c'est lorsqu'on arrive à Sam Mallett, qui nous faisait Stream Diamonds Speak sur la même compilation Ambient and Experimental Music from Australia. Alors, Sam Mallett, lorsque je suis allé voir comme ça, je sais qu'il est à l'île Maurice, puis qu'il vit à Melbourne, puis qu'il est né en 54. Alors j'aurais pu vous parler de 1954 ou de l'île Maurice, parce que l'île Maurice fait partie d'un des archipels dont j'aime le plus le nom, c'est l'archipel des Mascareignes. Puis entre la Réunion, les îles Rodrigues, puis la capitale est Port-Louis. Puis il y a combien d'habitants, Jean-Philippe? Il y en a 1 million, combien, 1 million 192 300 habitants, pas 301, mais ça c'était en 2011. Puis on les appelle des Mauriciens et des Mauriciennes. Voilà, alors musicien Sam Mallett qui est né aux îles de Maurice et qui vit maintenant à Melbourne. C'est tout ce qu'on sait sur lui. Pour ce qui est de Black Merlin, qui nous faisait First Light sur l'album Kozua de 2018, on a un peu plus d'informations. On sait que cet album-là, en fait, ça s'appelle George Thompson, et on sait que son album vient d'un projet qu'il a eu. Il a été tout à coup fasciné par la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et t'es allé faire un petit voyage là-bas, en fait 14 jours dans tout seul dans la jungle, ça, puis il a enregistré ses affaires, il a filmé ses trucs comme ça, puis c'est à partir de ce qu'il a filmé et ce qu'il a fait là-bas qu'il a conçu cet album. Donc il joue sous le nom de Black Merlin. Ensuite on est passé à Waterdrum du groupe Who sur It's Cozy Inside de 1989. Eux, ils sont assez drôles. Ils font de la musique planante, mais parfois, ils s'enregistrent au pub local. Donc, il y a des sons ambiants aussi qui peuvent se mêler à ce qu'ils font. Puis, ils n'enregistrent pas en studio. Je pense qu'ils enregistrent à la maison, tout simplement. Ils aiment avoir du son qui dépasse un petit peu de quelque part. Il y a un article, si vous intéresse dans Vice. Il y a un article sur eux qui est assez complet, puis qui explique leur démarche, puis à quel point ils sont différents de Vangelis et d'Enya. Voilà. Mais plutôt proche de Cluster, Brian Eno, Sonara, Robert Ashley, et des trucs comme ça. Puis, on parle de leur méthodologie, parce qu'effectivement, ils aiment qu'il y ait un vrai environnement sonore. Et on a terminé avec Hector Zazou, le cher Hector Zazou, la pièce Devant la mer sur Made to Measure Volume 2, Revax au bongo, où est-ce que Revax va se faire empoisonner, possiblement par un gâteau, par la vilaine dame, comme ça, et il se méfie. C'est bien ça, Jean-Philippe? Si les souvenirs de Jean-Philippe sont bons, c'est ça, parce qu'il y avait un roman photo dans cet album. C'est ça qui était à l'époque. On avait des vraies pochettes. C'était plaisant, les pochettes. Hector Zazou, qui s'appelait Pierre Job, qui est né à Sidi Bel Abbès en Algérie, puis qui est mort à Paris à 60 ans en 2008. Beaucoup de choses intéressantes. Moi, je l'ai connu avec ZNR, avec Joseph Racaille, puis ça m'a vraiment absolument fasciné à cette époque-là. Il y avait une influence d'Éric Satie très, très certaine. Puis il a travaillé avec une tonne de personnes, John Hassell, Brian Eno, Peter Gabriel, John Cale, Laurie Anderson, Bjork, Suzanne Vega, etc., etc., etc. Et même Gérard Depardieu, avec Khaled, Manu Dibango. C'est ça. Puis moi, c'est quand j'ai connu l'album Noir et Blanc aussi que j'ai été frappé avec Bonnie Bicaillé. C'était vraiment, si vous avez la chance, allez sur YouTube, ça doit se trouver, Noir et Blanc, Hector Zazou avec Bonnie Bicaillé. C'est vraiment absolument excellent. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Tiens, Fluence, en fait, Fluence, c'est Pascal Comlade, Control Bleeding et Tyndall pour terminer l'émission. Thank you. ça c'est du fond sonore. Ça c'est du vrai fond sonore. C'est Dreamy de Roger Webb Sound. Alors je ne connaissais pas Roger Webb, mais maintenant je l'aime. Je l'aime déjà, c'est ça, je le connais à peine, puis je l'aime déjà. C'était notre dernier bloc. Benoît Arcand est arrivé, il est prêt à faire terrain vague. Nous, qu'est-ce qu'on a eu? A Few Reasons to Stay, A Few Reasons to Split. Cette influence de Pascal Comelade de 1975. Il était tout jeune à l'époque, il avait une vingtaine d'années, notre Pascal. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, ils ont pris une photo, ils ont réussi à vraiment lui donner un air pas gentil, finalement. C'est ça, je ne le connais pas personnellement. Ils ont comme... On a l'impression qu'il vient de se faire surprendre. C'est ça, alors c'est une photo de Pascal à peu près maintenant. C'est ça, il est né en 1955 à Montpellier, compositeur français qui joue du piano, et son style, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était vraiment tout son premier album, tout début de sa carrière, où est-ce qu'il était beaucoup plus inspiré par de Steve Reich ou Philip Glass, des trucs comme ça. Alors on était dans le répétitif, mais plus c'est allé, plus il est devenu mélodique aussi, et a ajouté beaucoup d'instruments jouets à tout ce qu'il faisait. Il a joué avec tellement de gens, puis il a fait tellement de trucs que je vous conseille d'aller lire un peu sur lui. C'est quand même... D'ailleurs, il a pris une photo de lui-même aussi sur... il a pas l'air beaucoup plus content. Alors, peut-être qu'il est pas content. Je sais pas. Il a travaillé avec Robert Wyatt, il a travaillé avec Bob Wilson, P.G. Harvey. Puis il fait beaucoup de trucs pour le théâtre. En fait, c'est un artiste vraiment multifacette qui fait des trucs qu'on écoute depuis longtemps, mais il sort beaucoup de choses sans arrêt. Puis nous, on l'a connu, moi je pense que je l'ai connu avec pas ses premiers trucs là, mais peut-être quand il est arrivé, attendez un petit peu, je cherche, ouais, peut-être Sentimientos, c'est ça, au détail monochrome aussi, il y a beaucoup. Puis depuis des années, il y avait avec lui le Bel Canto Orchestra qui a dissous en 2013 ou quelque chose du genre. Je cherche en 2015, voilà, j'ai mis fin, donc il collaborait avec ces gens-là depuis des années. Qu'est-ce qu'on a eu après? Control Bleeding sur Brain, sur Curd de 1986, la pièce Brain by Funk. Puis eux, il y a un truc intéressant, ils viennent de Massapequa. Alors, ils s'appellent... Le groupe a été fondé par Paul Lemos, puis Massapequa. J'ai trouvé, parfois, vous savez, on parle dans des trucs parallèles comme ça. On dit que c'est un hameau qui est considéré comme une census designated place. Donc, pas vraiment une ville ou quelque chose. Puis c'est dans. C'est une partie de la ville d'Oyster Bay, dans Nassau County, dans l'État de New York. Puis je trouve ça très intéressant. J'ai décidé de particulièrement m'intéresser à cette ville-là, mais dorénavant. Et même d'y aller comme ça. Puis ensuite, on a terminé avec Tyndall qui nous faisait Jura sur Deutsch Die Zeiten en 1983. Et devinez qui j'ai en studio avec moi. Benoît Arcand. Et bonsoir. Et voilà. Tantôt, je pensais que ça fonctionnait pas, alors je savais. C'est ça, mais ça fonctionne. Oui, j'avais l'impression d'être à Massapequa moi-même. Oui, mais c'est ça. Massapequa, alors ceux qui connaissent pas Benoît Arcand, il est là. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Hein? Je m'infiltre dans votre émission. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'habituel, hein, c'est-à-dire l'imprévisible. Je sais pas, on fait du rock sur du rock saxifrage, puis on va jouer sur du velours. Ah, OK, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ça, avec des trucs heavy. Non, pas tant que ça, plutôt doux, oui. Plutôt doux, oui. Parce que nous, on était assez... Des chatoyants. Oui, on était très doux aujourd'hui. On s'accorde toujours un peu, finalement. C'est ça, oui. C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on a même été planant par moment. Wow! Oui, carrément planant, avec... puis même le deux blocs planants. Planant? Oui, carrément, là, c'est pas... alors, si toi, t'es planant un peu, on va avoir l'impression qu'on est réellement en communion. Voilà. Puis moi, je pense, on a fait une collaboration cet été, puis je pense qu'on devrait revenir à ça. Oui. Bientôt. Oui. Bientôt. On a pensé à faire une transition Alors, j'en avertis en ce moment même la station au micro. On a pensé faire une transition où on ferait le dernier bloc de notre émission avec toi et le premier bloc de la tienne. Voilà. On resterait pour ça. De toute façon, on se côtoie assez sérieusement dans ces 15 minutes-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Chaque semaine, on a 15 minutes de discussion qui nous fait presque rater. Notre dernier micro, puis tout ça. Alors, tout à l'heure, donc, Benoît Arcand avec Terrain Vague. Au plaisir.